êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Jean-Antoine Rioux sera avec nous pour la chronique du club plein air UQTR et Stéphanie Paradis nous dira pourquoi on dit les enfants qu'on dit dans sa plus simple expression. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 2 décembre, le mois est long. Alors, on a-tu passé tout droit de Noël? 2000 décembre. Salut Stéphanie Paradis. Salut Mathieu Plante. Ça va? Oui, toi? Oui, très bien. On a une émission aujourd'hui complexe, sans vraiment de point de repère, mais on sait que pendant l'émission aujourd'hui, on va avoir minimum ta chronique à toi, c'est la plus simple expression. Oui, bon, ça c'est certain. C'est un morceau imbougeable, bien sûr. Ben on oui. va parler de phrases connues. Plus ou moins peut-être, connues. Peut-être moins, la plupart sont connues. Des classiques, mais aussi des choses obscures. C'est ça, des classiques, surtout des classiques. C'est ça. Alors, on va aussi faire la chronique de Jean-Antoine Rioux. Mm-hmm. Lui, on sait que c'était à 8h, c'est la chronique du club plein air UQTR. On va parler d'extérieur, de tout ce qui se passe au fret en ce moment. C'est vrai que j'ai failli mettre mes pantalons de neige, mais je me suis dit que ça a l'air fou quand il n'y a pas de neige. Pas sûr, je te jugerais peut-être un petit peu. Et aussi la chronique alimentaire, disons, malbouffe fast-food et de nouvelles de fast-food international, une grosse pointe en dress. Tout ça et plus dans l'émission d'aujourd'hui. Mais on va commencer en musique, Steph. C'est une bonne idée. Ouais, avec une nouvelle entrée de la semaine passée, c'est Lubic sur son album Jusqu'au bout. Voici Laisse-toi aller, toi. Oh, et tous les choses, Bin. Ouais, vas-y, go. Wouhou! Lève le top, ben ouais. J'ai ton bon body, puis écouter le son.

retour de la pause, on parle d'improvisation avec Gabriel Béhoud, de nouveau chroniqueur de la Luit. Restez dans quelques instants à Assemblage Requis. Restez là. Puis en passant, là, 819-376-5183, là, c'est le numéro de téléphone pour gagner le pad thai. Ça se passe là. Il nous en reste un autre sac. Shit, je l'ai mangé. 819. J'ai mangé le deuxième sac. 819-376-5183. C'est un défi. On prend le troisième appel. Puis on revient dans deux minutes. Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, c'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, la chronique de la Luitre avec Gabriel Béhoud. C'est une nouvelle émission. C'est du new shit. Mais avant ça, un peu comme un troqueur devrait nettoyer la boîte sur son troc, sa chute de son troc. Les gars de ma shop qui nous amènent le troc de la shop. OK. C'est ça. J'essaie de ramener ça à quelque chose de brun. Ah, c'est pas de la marde, c'est de la boîte qu'elle en ferait, excusez-moi. Mais on avait du chocolat avant, sinon. Ouais. Fait que ça reste dans le bras. Dis-moi quand le truc est déjà loadé. Mais les gosses sont pas encore arrivés. Faut la main qui se grille, le truc est bien loco. Les asseoirs, comment pour faire un institut de gars avec les gars de ma shop. Deux ans moins quart, le truck est déjà stallé. Oui, c'est Frank qui l'a pas tanké. Ben, c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur l'asphalte. Deux, trois, quatre, approchez-vous du truck. Des guns de chat, parfois la veille et à volaille. On va caler des chats, ça veut qu'approchez-vous du trot. Des guns de chat. Sur les couchers, faudra bien manger. On n'a pas une scène de payer. Ni une ni deux, faudra bien qu'on souffre. Avant que la serveuse finisse sa pause. Avec les gars de ma shop. Avec les gars de ma shop. Pour ton bonheur, on veut être à l'heure. Mais les gars poussent trop fort. Puis on défonce le mur du bar. On veut se payer notre lock. On veut plus le stage, il reste juste le truck. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Tu trottes des gars de ma shop. Parfois la veille et à votre aide. Hot, puisqu'il y a le monde jusqu'à pas. Ça fait qu'approchez-vous du truck. Des gars de ma shop. Avec la broche. La broche. Approchez-vous du troc. Du troc des gars de ma shop. Parfois la veille et à votre aide. Hot, on va caler des shots. Pour des femmes, gardez nos culottes. Mais c'est pas garanti. C'était le truc de la shop par les gars de ma shop à Assemblage requis.

Orange O'Clock et la pièce Home Run à Assemblage Requio. Oui, ça c'est rock pas mal. On a parlé tantôt avec Gabriel Béhoud de la Lutte, nouveau membre à l'émission. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on risque d'avoir d'autres nouveaux dans les prochains mois. Donc, restez à l'écoute d'Assemblage Requis. Et je pense que la Luître va être un terrain, disons, à explorer à l'appel. Pourquoi à l'appel? Je sais pas. C'est pas très délicat. Pour creuser, non? Ben, peut-être, je sais pas. Moi, j'irai avec les outils d'archéologue. Peut-être un petit plumeau, là, pour pas briser ce que tu trouves. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Avec une petite lumière dans le front. Puis ouais, avec un petit peu, un petit pinceau. Puis tout ça. Puis, ouais. Je pense qu'on est sur une bonne ouais. piste. Mais non, on risque d'avoir des chroniqueurs de la Luître dans, je dirais, la session d'hiver. Je tâte le terrain, comme on dit. Ouais. Arrête de tâter tout le monde. J'ai pas eu ça partout et bon. Mais pour l'instant, vu qu'on les a pas là live avec nous, j'aimerais bien ça pouvoir les toucher devant vous pour vous inclure dans le processus de touchage. Hein? On va entendre une pièce du palmarès francophone. Je me rappelle plus c'est laquelle. C'est le fun, hein? C'est les Marinelli. Oui, déjà, si tu me disais la formation, ça serait plus facile. Les Marinelli, c'est Sous la lune. Ah ben. Je t'écoutais pas. Ça. C'est quoi le titre? Je suis dans la lune. Non. Vois-tu mes yeux qui t'envoient? We'll be right back. Marinelli et Sous la lune à Assemblage Requis. Au retour, ça va être la chronique sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Yes! Enfin! Enfin savoir, là, parce que là, j'en dis-tu, moi, de la niaiserie? Mais hein, que t'en dis de la... avec ton gros sphincter dans ta face. Va donc! Merci. Non, mais c'est la réalité. Une bouche, c'est un sphincter. Ben oui. On l'a déjà dit. Ouais, t'as raison. C'est pas une insulte. Je le prends pas mal. Ben tout, non, tout. C'est ça. Fou d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. La Route des possibles est l'organisation d'un tour du Québec en autobus pendant 14 jours en août 2015, réunissant 30 acteurs de changement afin de développer l'entrepreneuriat social chez les jeunes. Le programme principal consiste en l'organisation d'un tour de 5 villes, soit Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Chicoutimi, pour aller à la rencontre d'innovateurs sociaux, d'entrepreneurs, de créateurs et de visionnaires à travers le Québec. Pour en savoir plus et participer à la grande aventure en devenant un membre clé de l'équipe de Trois-Rivières, assistez à la présentation du projet La Route des possibles le mercredi 3 décembre 2014 de 15h à 16h30 au 1088 Pavillon Ringuet. Le Festival du film étudiant de Québec est présentement en appel de films pour sa 13e édition qui se déroulera les 20, 21 et 22 mars 2015 à l'Université Laval et au cinéma Cartier à Québec. Les cinéastes étudiants sont invités à transmettre leurs créations jusqu'au 18 janvier 2015. Un comité de sélection se réunira en février prochain afin de choisir les films qui feront partie de la programmation. Le Festival du film étudiant de Québec s'adresse aux étudiants des cégeps, des collèges et des universités du Québec et de toute la francophonie. Fiction, animation, expérimental, documentaire, tous les genres sont les bienvenus. Les lauréats de chacune des catégories se mériteront des prix d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Pour plus de renseignements concernant l'appel de films, consultez les règlements disponibles au ffeq.ca. Participez en grand nombre à la collecte de jouets pour les paniers de Noël distribués aux familles de la région par les artisans bénévoles de la paix. Comment participer? En déposant vos jouets neufs ou usagés dans la boîte située à l'extérieur du 0007 Pavillon Pierre-Boucher, et ce, avant le 28 novembre 2014. Participez à la journée carrière en éducation de l'UQTR. Le service d'aide à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières tiendra une journée carrière en éducation le mardi 2 décembre prochain de 11h à 16h à l'atrium CEU du pavillon Ringuet. Cette activité gratuite s'adresse à toute personne diplômée ou en cours d'études qui se destine à une carrière en enseignement ou souhaite œuvrer comme professionnel dans le milieu scolaire. Les visiteurs auront accès à 26 kiosques d'information où ils pourront récolter des renseignements sur les perspectives d'emploi en enseignement. Vous vous intéressez à la vie étudiante? Vous avez à cœur d'informer la population universitaire trifluvienne? Vous avez des idées de sujets à couvrir? Le journal indépendant des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Zone Campus, est présentement à la recherche d'étudiants curieux, motivés et rigoureux, désirant faire partie de l'équipe pour la session d'hiver 2015. Des postes sont disponibles dans plusieurs sections, actualité, art, sport et chronique. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et un texte journalistique à rédaction.zc@commercialuqtr.ca. Les postulants ont jusqu'au lundi 1er décembre à midi pour acheminer leur candidature. Joignez l'équipe du Zone Campus. C'était votre capsule Info Campus. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage Requis. Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. Oui, on est arrivé à bon port, je te dirais. Arrivé à bon port. Est à un... bon cochon à aussi, bon qu'on cochon. Peut dire. T'as raison. Hey, parlant de cochon, Steph. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est sûr que je vais faire des références sexuelles en chronique, là, mais okay. C'est pas de ça que je parle maintenant. Je pensais que t'allais parler de bacon. Ben, si seulement on avait à manger. On a déjà assez mangé d'affaires aujourd'hui, mais il n'y avait pas de bacon, malheureusement. Malheureusement. Chuck Tony, là, fait ta job comme il faut. Non, c'est pas, pas du tout. Hier à la Luître, et là, je vais avoir l'air un petit peu fendant de ressortir une blague que j'ai fait hier juste pour que tu m'approuves dans mon choix et de me dire que je suis drôle, tu sais, mais c'est pas ça que je veux faire. Juste la ressortir une deuxième fois en ondes parce que je la trouvais bonne, ok? Il y avait un sketch sur. Des cochons. Il y avait un cochon joué par Vanessa Fortier, qui était vraiment très drôle en passant. Et il y avait un dompteur de cochons. Okay? Okay. Donc, à la fin, j'ai demandé à mon collimateur du bac vert, un dompteur de cochons, s'il se faisait mettre en prison, est-ce qu'on pourrait le libérer sous cochon?

and I have you too. And a light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what's that blue? Sometimes I worry, I don't know how to love. The Bar Brothers et Even the Darkness Has Arms à Assemblage Rocky. C'est là-dessus que se termine notre émission d'aujourd'hui. T'es triste, hein? T'es triste. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 pour une toute nouvelle édition d'Assemblage Rocky. Demain, on va être mercredi. Master Steph va être là. Oui. C'est toi, je vais l'inviter. Ah, oui. Ok, c'est moi. Excuse-moi, moi, est-ce qu'on joue le jeu que c'est une autre personne? Non, c'est pas toi. Aussi, on va avoir Marie-Laurence Audet et la collègue de Gadget. Ça ne devrait pas, on l'a. Restez sur nos ondes, dans une heure et demie environ, ce sera Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour pour Mathieu Plante, show avec Mathieu Plante, ça c'est à 13h. À 15h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et suivi de Progression Chaotique avec du métal progressif à 21h. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Merci à Charles-Antoine Rioux. Oui. À Gabriel Béhoud. Boud. Boud. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Un plaisir. Merci, Mathieu Plante. Ah, oh, merci, t'es trop fine. À demain. Bye. À demain!